toujours spécialiste en son et images. Audiolite.qc.ca 89.1. Bonsoir et bienvenue à l'émission Terra Incognita. Vous êtes en compagnie ce soir de Bruno Côté à la mise en onde, toujours fidèle au poste, et Marc Chaunet à l'animation et au choix musical. Alors, on a plusieurs nouveautés pour vous ce soir. Beaucoup de trucs que j'ai découvert dans les dernières semaines, en partie grâce à des magazines qui se consacrent au rock progressif. On parle ici du magazine Terra Incognita, évidemment, qui est plus près de chez nous, le numéro 43, le plus récent, avec un des groupes qui est chroniqué là, dans les chroniques d'albums, Agusa, qu'on écoutera, c'est de la Suède, qu'on écoutera plus tard dans l'émission. Ça, c'est une belle découverte que j'ai faite grâce à ce magazine. Et je vous invite d'ailleurs à le lire. On en a parlé déjà l'autre fois avec Jean-François. Il y a des chroniques du festival de musique. On a eu plein de bons spectacles récemment. PFM la semaine dernière, c'était excellent. On a eu King Crimson il y a deux semaines. En tout cas, on est gâtés. Puis là, mais pour le reste de l'année, là, on va se rendre jusqu'à Noël, puis on va parler déjà des concerts après ça qui s'en viennent dans la prochaine année, dont Steve Hackett qui est déjà annoncé avec les 40 ans de Voyage of the Acolyte, et il sera au Grand Théâtre donc au printemps prochain. Et il y aura sûrement plein de bons spectacles qui s'en viennent. Donc, parlant de découverte, j'ai reçu ma plus récente édition du magazine Progressiste, numéro 82. Et c'est un magazine de la Belgique. Dans ce magazine, on a deux compilations, la compilation Les Indispensables et également les New Species qui sont présentées par la Classic Rock Society. Et cette compilation-là est particulièrement intéressante. Vraiment plusieurs belles découvertes sur cette compilation-là, dont le groupe qui va débuter ce soir. C'est un groupe de l'Espagne, Herba d'Amélie. Je n'avais jamais entendu parler de ça. C'est en fait leur troisième album. C'est l'album qui a pour titre Interiors. Vous pouvez aller sur Bandcamp et écouter leur musique. C'est superbe. Il y a du beau mélotron dans ça. C'est très accrocheur. On va débuter donc avec cette pièce Ecstasy Terrenal de Herba d'Amélie. Vraiment excellent. Ensuite, on enchaîne avec une autre découverte que j'ai faite grâce à une autre compilation qui vient d'ici, l'Univers Progressif 4. C'est en lien avec Profil. Bruno également participe à Profil. Et c'est le groupe de l'Italie Harmonite, A-R-M-O-N-I-T-E. Et c'est leur plus récent album, The Sun is a New Age Day. En fait, c'est leur second. Ils avaient réalisé un premier album en 1999. Puis c'est un mélange de classique et de rock. Il y a beaucoup de violon électrique, vous allez voir, c'est très accrocheur. Et on va poursuivre avec Mystery, leur plus récent album. Mystery qui nous ont présenté un excellent spectacle ici au Centre d'art de la Chapelle récemment pour nous présenter Delusion Rain. Et on écoutera la pièce Delusion Rain. Mais d'abord, donc Herba d'Amélie. Ensuite, on aura Harmonite. une courte pièce d'Harmonite et Mystery. On y va tout de suite en musique avec ce groupe espagnol. We'll be right back.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Eh bien, nous revoilà après cette superbe pièce de Mystery, ce groupe de Montréal, et leur plus récent album, Delusion Rain. C'est leur sixième album. Hein. C'est un groupe qui a débuté en 96 avec leur premier disque. Vraiment, ils nous ont présenté un excellent spectacle récemment au Centre d'art La Chapelle. Ils ont fait quelques dates au Québec. Très, très bon album, donc, de ce groupe. Qui ne cesse de s'améliorer d'album en album, il faut le dire. Alors, juste avant, il y avait eu Harmonite de l'Italie, tiré de leur plus récent album The Sun is a New Age Day, leur second, une courte pièce, donc très, très accentuée sur le violon électrique. Et on avait débuté avec Herba d'Amélie de l'Espagne. Alors, on poursuit en musique avec ce qui est, je pense, le meilleur groupe, le meilleur album de rock progressif italien, un des meilleurs, en tout cas, c'est dans les top 3 de cette année, La Curva di Lesmo. Il y a dans ça Fabio Zuffanti, vous le connaissez celui-là? Et également des membres de Il Tempio delle Clessidre, La Maschera di Cera et La Coscienza di Zeno avec Stefano Agnini. Et c'est un album qui comporte trois pièces. On en a présenté déjà la pièce d'ouverture à l'émission. Ce soir, on ira avec la pièce, la longue pièce, celle qui ferait le côté de disque complet, au Riscato di Vivere. Donc, de La Curva di Lesmo. Forse già morti.

Non mi va di sorridere, vita, se potessi fermarti, avrei tanto da darti, avrei tanto da amarti. Ma tu mi guardi e vai, e non ti fermi mai, i tuoi pensieri sono altri ed io non riesco ad avvicinarti. Oggi ho capito che anch'io, no, non sono simile a Dio, sono solamente un uomo senza gloria né perdono, senza storia né condono. E tu mi guardi e vai, ma non ti giri mai, il tuo passo è veloce. Solo la tua voce resta. Che ripete sempre. Cosa ti aspetti? Sei partito. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Pour son édition d'automne, la revue Planche sort ses couleurs. Sous la couverture de Richard Suicide, Simon Labelle surprend par son humour acide. Et Martin PM offre un récit très recherché sur les rapports entre la politique et les caribous. Pour cette cinquième parution, une nouvelle rubrique voit le jour. Sur l'autre feuille, explore les carnets de croquis de certains auteurs pour offrir un regard nouveau sur leur travail. Pour l'inaugurer, Jimmy Beaulieu dévoile une partie de ce qui lui passe par la tête. La revue Planche, en kiosque dès maintenant. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vape Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapeclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vape Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. En tant que bénévole pour l'opération Nez Rouge, on a déjà... Cherché la rue Montmagny pour finalement se ramasser dans la ville de Montmagny. Chanter dans un resto pour réveiller une cliente. Trouver une maison avec une télécommande de garage. Aider le monsieur qui, à mi-chemin, s'est rendu compte qu'il avait oublié sa femme. Peu importe ce qui arrive, ça fait toujours des soirées mémorables. Ça finit toujours bien. Dans le temps des fêtes, appelez un ami, un taxi ou l'Opération Nez Rouge au 1-866-Desjardins. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, Desjardins et de cette station. Pour vous divertir entre amis, en famille ou pour faire des rencontres sympathiques, Billard Sporali vous offre 8 tables de billard, 5 cibles de dards, 7 écrans HD et des appareils de loterie vidéo. Le 28 novembre, The Classic avec le Rubber Band. Le 18 décembre, hommage à ZZ Top avec le groupe ZZ Tosh. Et le 19 décembre, du bon vieux rock classique avec Coda. Profitez des 5 à 7 tous les jours pour jouer au billard gratuitement. Billard Sporali, 6300 boulevard de Lormière, ouvert de 9h à 3h tous les jours. 88-872-8382. Consultez notre page Facebook. De retour avec Bruno et Marc. C'est l'émission Terra Incognita. Ce que vous avez entendu juste avant, c'était une longue suite... avec un thème qui nous rappelle des musiques de films, évidemment. La Curva di Lesmo, c'est le nouveau projet donc de Fabio Zuffanti et Stefano Agnini, avec des musiciens de Il Tempio delle Clessidre, La Maschera di Cera, La Coscienza di Zeno, donc un excellent disque, la pièce Ho rischiato di vivere. Donc, il y a 3 pièces sur ça. C'est à se procurer dans les bons albums de 2015. Si vous aimez le rock progressif italien comme nous, c'est toujours le fun d'avoir des bons disques comme ça. Alors, pour le prochain bloc musical, je vous parlais d'une découverte que j'ai faite grâce au magazine Terra Incognita, le numéro 43. Le groupe Agusa, c'est un groupe de la Suède. C'est leur second disque intitulé Dva, qui veut dire deux. C'est un album composé de 2 pièces. Sur ce second album-là, il y a une flûtiste qui s'est joint au groupe. Alors, c'est une musique qui est assez, si on veut, qui fait un peu dans le traditionnel suédois, mélangé avec du vieux rock progressif. On peut faire une comparaison avec le Pink Floyd de fin 60, début 70. On ira donc d'une excellente pièce de Agusa, la seconde pièce de l'album. Il n'y en a que 2 sur cet album, Dva. Et on poursuivra avec The Psychedelic Ensemble. Des États-Unis, c'est leur 5e album. C'est un groupe dont on connaît pas le nom des musiciens. Et c'est des musiciens d'expérience, de carrière, qui ont plus de 30 ans d'expérience. Et ils nous proposent un nouvel album très intéressant. Il y a beaucoup de parties orchestrales, symphoniques. Donc l'album de Sunstone, on écoutera la pièce Gaze juste après le groupe Agusa. Thank you.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Et oui, ce que vous avez entendu à l'émission Terra Incognita, juste avant cette petite pause, c'était le groupe américain de Psychedelic Ensemble, leur plus récent album de Sunstone. C'est un groupe dont on ne connaît pas l'identité des musiciens. C'est leur cinquième album depuis 2009. Alors, c'est très symphonique et d'une grande qualité, comme vous avez pu le constater sur cette pièce intitulée « Gaze ». Juste avant, il y avait eu le groupe de la Suède « Agusa », tiré de leur plus récent album « Dva », leur second album. Vraiment, ça aussi, une belle découverte de cette année. On va poursuivre en musique avec une nouveauté italienne, « Spettri ». C'est pas tout à fait une nouveauté parce que c'est un groupe qui avait réalisé en 72 un premier disque qui n'était pas vraiment paru. C'est paru il y a 3 ans. Et là, ils ont réalisé un nouvel album en 2015. Spettri, c'est l'album 2973, La Nemica dei Ricordi. Alors avec un titre futuriste un peu pour un second album, donc un grand retour après 40 ans et plus pour Spettri. On ira avec la pièce La Nave. Ensuite on a Ecolin de leur plus récent album, leur nouvel album I Heard You Listening, avec la pièce Different Days. Et Colin qui sont restés, qui ont gardé le même esprit qu'ils ont toujours eu de leurs bons disques des années 90. Alors, moi je l'aime beaucoup, il faut l'écouter. C'est vraiment du bon et Colin. Donc, I heard you listening. Et on ira avec également Magic Pie de leur plus récent album. La pièce According to Plan. Allons-y tout de suite en musique, comme je le disais, avec Spettri. time gets bent into the bar. The same old drink lit by waves on different days. The familiar chords bounce off the walls in C's and D's and E's. Well, I've been here before to spend my different ways. I'm in hiding. On different days I'm in hiding. The volume jumbles and fights for more, like swirls of buzzing bees. But I can't hear the stories in the cracks of the day, no. Little bursts of language dissipate, the stories try to hang on. Well, there's nothing here that hasn't been said. Well, I'm running. Never make inside. It's the moves you never make in time. See the bottom rising. See the bottom rising. I'm buried in a cycle that I notice in my brain. The repeating seems unstoppable even when I change, when I change. I forget everything I remember. In denial I am tonight. My head feels like swarming and checking off boxes for days and days and days. On different days I'm in hiding. Days I'm in hiding. It's the moves you never make inside. It's the moves you never make in time. We'll be right back. Now I'm back in the ballroom dancing the buck and wing. I've been tapping solo for so long. My lips are flying, but I'm not rising to any degree. 'Cause I'm just spinning, wasting movement and energy. Different days I'm in hiding. Different days I'm in hiding. It's the moves you never make inside. It's the moves you never make inside. See the bottom. she wrote, that's all she wrote, that's all she wrote. They'll never get my gun, that you can quote, that you can quote, that you can quote. I'm drawing lines, planting landmines, I'll build a moat, I'll build a moat, I'll build a moat. Trouble you'll find in desperate times, you know I won't, you know I won't, you know I won't. C'était le groupe américain District 97, tiré de leur plus récent album In Vaults, avec la pièce On Paper. Juste avant, on avait eu Magic Pie, tiré de leur plus récent album